À limiter mercredi, quelques gouttes de bruine possibles sous quelques nuages bas. Et puis une fin de semaine qui s'annonce sèche. Les températures ne bougeront guère puisqu'elles resteront comprises pendant toute la semaine entre 9 et 13 degrés. Merci d'écouter Vivacité. Bon début d'après-midi, il est 13h. Les ministres toujours occupés à travailler sur le budget 2017. Selon Didier Reynders, les chiffres sont pratiquement tous bouclés. Il ne reste plus grand-chose à trouver. Mais tous les ministres ne semblent pas exactement de cet avis. Le point dans un instant. Le Godessia, le bateau de la marine belge, parti de Zeebruges pour l'Afrique de l'Ouest. Une mission militaire, mais pas seulement. Les 95 marins s'occuperont aussi de formation en Afrique et ils amèneront du matériel humanitaire sur place. Sur du velours, les Diables ne devraient pas avoir trop de mal. Ce soir contre Gibraltar, match toujours dans le cadre de la qualification pour le Mondial 2018. C'est le journal de la mi-journée, il est présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Budget bouclé, ou presque. Les ministres ont passé une nuit blanche pour aligner les chiffres. Ils se sont mis d'accord sur l'essentiel. C'est en tout cas ce que déclare Didier Reynders à l'entrée de la réunion convoquée à 11h ce matin chez Charles Michel. Mais tout le monde n'est pas nécessairement aussi optimiste. Le point avec Fabien Van Eckhout. Ce matin, après la petite nuit des principaux ministres fédéraux, il y a à l'entrée des discussions plusieurs écoles, plusieurs interprétations sur l'état d'avancement des travaux. Il y a les moins bavards, tendance Alexander De Croo, Open VLD. Je négocie à l'intérieur et pas en rue. Il y a les plus philosophes, la NVA, classée parmi les plus rigoristes quant au budget, Yann Yannebonne. C'est un exercice difficile et les derniers points à trancher sont toujours les plus compliqués. Il y a les plus optimistes, 4 milliards à trouver 2016-2017. C'est fait, Didier Reynders est maire. Non, le budget, je crois qu'on y est. Il n'y a vraiment pas de problème. On a fait tout le tour de l'exercice budgétaire et on peut rester dans la trajectoire, avec, je crois d'ailleurs, un certain nombre de moyens pour quelques politiques nouvelles. Et d'ajouter qu'il reste des réformes à discuter, réforme du temps de travail, de la norme salariale, de l'impôt des sociétés. Mais selon lui, on a le temps. Sauf que le CDNV veut lui avancer sur ces réformes, sur le dossier travail, la loi Peters. On a bien avancé, mais vous savez qu'on a encore des discussions très importantes. Par exemple, la fiscalité, juste là, on a une discussion qui n'est pas encore terminée. Un CDNV qui refuse de se dire isolé, seul contre tous. Nous sommes dans le gouvernement comme ministre responsable et on va discuter. Les discussions ont redémarré à 11h. Impossible une fois de plus de dire combien de temps elles vont durer. Fabien Van Eckhout avec Jean-Marc Vierzé. Les trois principaux syndicats de la banque ING en conseil d'entreprise ce matin, le premier depuis l'annonce du plan de restructuration. La direction d'ING, vous le savez, a annoncé la semaine dernière son intention de se séparer de 3000 emplois d'ici 2021 avec 1700 licenciements secs. Alors les syndicats avaient d'abord dit qu'ils refuseraient de participer au conseil d'entreprise, mais ils sont bel et bien présents. C'est la première phase de la procédure Renault qui commence, procédure d'information. Les syndicats veulent avoir toutes les cartes en main pour tenter ensuite de négocier avec la direction. Ils voudraient partir en Haïti, mais ils n'ont pas le feu vert des autorités. Ce matin, dans la presse flamande, des sauveteurs de Bifast expriment leur frustration. Bifast, c'est l'équipe belge de secours pour les catastrophes naturelles. Des sauveteurs veulent donc partir pour sauver des vies après le passage de l'ouragan Matthew, mais ils n'auraient pas l'autorisation. Didier Reynders lui réagit à ces propos. Il nie l'absence d'autorisation. D'après le ministre des Affaires étrangères, la coordination est en cours pour acheminer du matériel belge sur place. Et il rappelle d'ailleurs que ce sont les Nations Unies qui coordonnent l'aide d'urgence. Franck Van Trimpon est urgentiste. Par le passé, il a participé à des missions Bifast et il comprend en tout cas la déception des volontaires. Toutes les personnes qui participent au Bifast sont tous des volontaires, et des volontaires dans tout ce que ce mot a comme enthousiasme et comme volonté d'aller aider les gens. Donc forcément, on n'attend qu'une chose, c'est être appelé pour pouvoir partir. Après, il y a le fait de pouvoir ou pas y arriver, à se libérer. Et puis forcément, quand la mission n'a pas lieu ou est annulée, on est tous un peu frustrés de ne pas pouvoir y aller. Parce que c'est quand même pour ça qu'on s'est inscrit dans le Bifast et pas seulement pour les exercices. Interview signée Anina Meus. Rappelons que le nouveau bilan en Haïti s'élève désormais à un millier de morts après le passage de l'ouragan Matthew. La marine belge, elle, est partie en mission dans le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest. Le Godessia, un des navires de l'armée, a largué les amarres ce matin vers 10h. À son bord, une petite centaine de militaires. Ils vont être séparés de leur famille pendant 10 semaines. Pourquoi faire ? Pour une opération militaire, bien sûr, mais aussi assurer la formation de militaires africains et participer à une opération humanitaire. Baptiste Tupin est monté à bord ce matin à Zeebruges. C'est le jour du départ, le soleil est à peine levé quand le premier membre de l'équipage du Godessia monte à bord du navire. Le lieutenant Cédric était l'un des premiers sur le navire ce matin. Il passera 10 semaines dans le golfe de Guinée. Donc bien sûr, il y a l'excitation du départ en mission, c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Maintenant, derrière ça, on a évidemment la famille qui reste. Donc ça, c'est toujours le petit pincement au cœur, mais ça passera vite avec le travail qui sera assez fourni. Du travail, il y en aura. Effectivement, le Godessia naviguera au large de l'Afrique avec plusieurs objectifs. Dissuader le trafic de drogue en mer, les actes de piraterie aussi. Mais l'équipage du Godessia va également partager ses compétences avec des membres de la marine de plusieurs pays africains, le Togo et le Bénin notamment. Le capitaine de corvette Terrasson commande cette mission. On va aussi entraîner une quarantaine de marins militaires africains, fonctionnement des propulsions ici à bord, mais aussi l'exécution de boarding sur des navires suspects. Le Godessia transporte enfin un important chargement de matériel humanitaire. 4 ONG ont chargé ce matériel à bord. Le Godessia profite de son déplacement dans le golfe de Guinée pour acheminer ses colis à bon port. Le Syrien recherché depuis samedi en Allemagne est sous les verrous. On avait trouvé à son domicile des explosifs comme ceux qu'utilisent les kamikazes du groupe terroriste islamiste. Mais ce Syrien avait réussi à échapper à la contrôle de police, à un contrôle de police. La chasse à l'homme aura donc duré 48 heures. C'est donc un Syrien de 22 ans qui a finalement trouvé refuge dans l'appartement d'un compatriote à Leipzig. Les forces spéciales d'intervention de la police l'ont retrouvé ligoté dans l'appartement de son hôte. Selon plusieurs médias allemands, l'homme projetait de commettre un attentat dans un aéroport ou une plateforme de transport. Le prix Nobel de l'économie attribué ce matin à Olivier Hart et Bengt Holmström. Le premier est américano-britannique, le deuxième est finlandais. Ces chercheurs travaillent sur la théorie des contrats. Jeudi, on connaîtra le nom du prix Nobel de littérature. On passe au sport avec les Diables au Portugal ce soir. C'est là qu'ils vont affronter Gibraltar. Gibraltar n'a pas de terrain conforme et joue donc au Portugal. Troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Alors Gibraltar est le dernier pays classé au ranking FIFA. A priori, c'est donc un oiseau pour le chat, pour notre équipe nationale, face à qui on peut s'attendre à un score fleuve. Mais Eden Hazard est quand même pas tout à fait formel, il faudra battre cette équipe. Mais on a eu un peu le même match à Andorre l'année dernière. On sait ce qu'il faut faire, il faut être sérieux et respecter l'adversaire. Et la meilleure manière pour moi de respecter l'adversaire, c'est de faire un bon match. Même si on est habitué, tous dans l'équipe, à jouer dans des grands stades, des grandes ambiances, avec des stades pleins. On a tous commencé dans un petit club, il n'y avait pas beaucoup de monde autour du terrain. Donc voilà, on est habitué à ça aussi. Donc voilà, c'est un match à gagner tout simplement. Je connais Gibraltar parce que je vais beaucoup en vacances à Marbella. C'est pas Gibraltar, mais c'est à côté. C'est vrai que l'équipe, on la connaît pas bien, mais voilà, on va apprendre à les connaître. Je pense pour eux, c'est une belle expérience. C'est quelque chose que le football permet, c'est que des petites équipes jouent contre des grosses équipes. Et après, nous, c'est un match comme un autre, un match à gagner, voilà. Interview signée Thierry Luther, ce qui aura peut-être des soucis pour se déplacer en Portugal aujourd'hui. Des centaines de taxis manifestent en ce moment contre Uber et Cabify, des sociétés de réservation de voitures avec chauffeurs. Comme à Bruxelles et Paris, les taximens portugais parlent de concurrence déloyale. L'accès à l'aéroport de Lisbonne a d'ailleurs été bloqué quelques minutes ce matin par le passage du cortège de taxis. Les touristes se sont rabattus sur les métros, les autocars et les véhicules de type Uber. Et nous partons sur les routes, les nôtres. Pierre Collard-Bovy, vous signalez un accident sur le ring 3 de Charleroi. Oui, effectivement, à hauteur de Bouffiou, la bande droite est neutralisée en direction de Gouy. Également un accident sur le 403 Bruges-Tournai à hauteur de Roulers-Beveron. Les voies de gauche et droite sont neutralisées et vous perdez, tenez-vous bien, 50 minutes en direction de Tournai. Une déviation est mise en place quand même pour vous sauver un peu la vie. Un objet encombrant, c'est un morceau de bois non précisé au milieu de la troisième bande de circulation sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Mons, et c'est en direction de Valenciennes. Et puis au poste frontière, bien sur le 17 Gand-Lille, vous perdez une quinzaine de minutes. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et à 13h10, on prend la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Vous allez nous parler de naissance. On connaît bien le job des mamans dans cette histoire. Et les papas, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien voilà, les femmes, les mamans mettent l'enfant au monde et les papas dans le monde. On va parler de cette nuance importante. Je voudrais juste vous dire, je vous l'ai déjà dit hier, parce que je sais que vous avez marché jusqu'à hier 22h, tout mon amour que j'ai pour quand je dis vous, c'est toute l'équipe, hein, bien sûr, Manu. Oui, mais voilà, moi, c'est un défi collectif. C'est un défi collectif de groupe. Je ne pensais pas que vous seriez déjà là aujourd'hui. C'était mon deuxième défi, venir travailler aujourd'hui. Je peux quand même vous dire quelque chose? Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que vous allez le sentir, c'est demain. Oui, c'est possible. Je pense. On m'a déjà dit ça. Je pense. Donc voilà, vous avez prévu d'être là demain aussi, notez. Bon, ben demain, j'aurai encore plus de réconfort par rapport à vous. Et bravo, Manu, d'avoir marché ces 100 km au profit de Cap 48. Et merci bravo à tous ceux qui nous ont soutenus, bien sûr. Bien sûr, tous ceux qui nous ont soutenus et dans cette action et dans toutes les autres actions. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. C'est vrai que ça a été un week-end extraordinaire sur tous les plans. Voilà, dans tous les points de vue, avec énormément de chaleur humaine pour ces défis Cap 48. Et merci à tous pour tout ce que vous nous avez donné pour hier, pour faire grimper le compteur. On est vraiment tous fiers de vous. Être fier de soi, c'est une chose, mais être fier des autres, être fier de cette communauté, des auditeurs de la RTBF et des téléspectateurs de la RTBF, c'est autre chose. Bon, nous allons donc aujourd'hui avec toute la communauté des auditeurs de la vie du bon côté, nous pencher sur un nouveau thème en ce lundi 10 octobre. Régulièrement, c'est vrai que les mères ne comprennent pas certains comportements des pères avec les enfants. Ça, je pense qu'on est toutes pareilles. C'est vrai que parfois, ça nous interpelle. Ils devraient faire comme nous, disons-nous, les mamans. Mais pourquoi est-ce qu'il fait différemment? Eh bien non, le père n'est pas une copie conforme de la mère, une sorte de clone. Il faut se rendre à l'évidence. À vous, messieurs, de revendiquer ce droit aujourd'hui. Puisque certains hommes, en parlant de revendiquer le droit, certains hommes revendiquent le droit de ne pas être une seconde maman quand la mère n'est pas là. Cela vous a-t-il déjà posé problème? Est-ce que vous avez déjà eu cette conversation avec votre compagne, avec la maman de votre enfant? 070 23 33 23, SMS 30 63 en disant « Mais je ne suis pas comme toi. Je suis un homme, j'ai une autre façon de voir les choses. » Est-ce que vous avez déjà dû vous justifier par rapport à cela, pour le développement de l'enfant, pour son bien-être, à tout point de vue? C'est vrai qu'il est fondamental que le papa se comporte comme un papa, et donc différemment d'une maman. Daniel Radou, en tant que biologiste du comportement, c'est important peut-être aujourd'hui, oui, en tant que psychothérapeute, nous verrons donc ce que signifient ces paroles. La mère met l'enfant au monde, le père met l'enfant dans le monde. Oui, tout à fait. Donc c'est un thème que j'avais envie de traiter parce que régulièrement, je discute de ça en fait avec les patients donc qui viennent chez moi, et les patients aussi d'ailleurs, du rôle du père et du rôle de la mère pour le développement optimal, je dirais, de l'enfant. Et on va en parler, bien entendu. Il faut absolument que le père et la mère n'aient pas le même comportement. Qui prennent chacun leur position en fait archétypale, donc ici de type paternel donc d'un côté ou maternel de l'autre, et c'est important en fait pour l'enfant justement pour se structurer pour le développement cérébral de son cerveau, donc de son système nerveux, il est fondamental qu'il ait deux personnes en fait qui sont ses parents, bien entendu, mais qui se complètent. Et même d'autres d'ailleurs, les grands-parents, c'est la même chose aussi, mais on en parlera peut-être moins, mais qu'il ait devant lui deux personnes qui sont différentes. Mm-hmm. Et ça lui apprendra déjà à structurer sa pensée et sa manière d'être au monde, parce que le monde, il est loin d'être parfait. Mm-hmm. Et donc, on va un peu discuter de tous ces différents aspects, parce que ça a des connexions avec pas mal de choses. Ouais. En fait, mais hein, oui, donc, mais discutons-en. Discutons-en. 070-23-33-23, SMS 30-63. La façon différente, en effet, qu'on a, nous les hommes et les femmes, nous les papas et les mamans, de mettre l'enfant au monde ou de mettre l'enfant dans le monde. Et c'est vrai qu'on est parfois trop souvent, peut-être nous les femmes, en train de se dire « mais tu dois faire comme moi, j'ai fait comme ça, donc tu dois faire comme ça, on ne peut pas faire différemment, on doit s'accorder, on doit faire la même chose ». Et vous avez raison, Daniel, de nous dire qu'il faut chacun prendre son rôle bien à cœur, bien sûr, et surtout assumer son rôle différent de celui de l'autre. Si vous souhaitez prendre la parole avant 15h, puisque c'est le sujet qui nous occupe, c'est parti. La vie du bon côté. Amoureux de l'ombre le lac Julien Doré que j'ai approché de près hier lors de la soirée au profit de Cap 48, la soirée en télé. Alors, les mères qui mettent les enfants au monde, oui, c'est une réalité. C'est comme ça. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Les pères qui mettent l'enfant dans le monde, la nuance, elle est importante. La nuance, elle est essentielle. Est-ce que ça vous a déjà posé problème, messieurs, à vous de revendiquer ce droit, peut-être aujourd'hui, de nous dire en effet que vous n'êtes pas une seconde maman. Voilà, vous ne ferez pas ou vous ne faites pas comme maman a décidé. Parce que souvent, maman demande à papa de faire comme elle. Regarde-moi, je fais comme ça. Donc toi, tu dois faire comme ça aussi. Eh ben non. Voilà, un papa, ça a une autre fonction aussi. Donc on va parler un petit peu de cette complémentarité. Et c'est vrai, comme je l'ai dit en début d'émission, nous avons chacun nos caractéristiques, vos caractéristiques à vous, messieurs, qui dominent, on va dire, de façon générale, c'est la force, c'est les interdits, c'est les tu ne peux pas, c'est voilà, c'est la sécurité, la fermeté. Et peut-être que chez nous, c'est l'arrondir les angles, c'est apaiser, c'est dire viens ici, mon chéri, papa, il a été méchant avec toi, viens ici que je te console. Pas bien. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez en parler aujourd'hui. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Oui, bonjour monsieur. Il paraît que vous avez une Golf All-Star bien équipée à partir de 14 990 euros. Bien équipée? Ah non, c'est une erreur. Comment c'est une erreur? Mais c'est avec les jantes en alliage, les vitres teintées, le volant en cuir. Ah oui, vous voulez dire la Golf All-Star super équipée? Oui, super équipée, mais pardon. Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Un budget, un projet, profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. Condition 30e anniversaire, jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Info verandaconfort.be. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. En télé sur la une. À qui profitent les centres commerciaux? On a appauvri le centre-ville, on a enrichi les centres commerciaux. Outre commerce sur Internet, le paradis des bonnes affaires. Il suffit de cliquer. Centres commerciaux, la folie des grandeurs et achats en ligne, arnaque ou bonnes affaires. Question à la une, ce mercredi sur la une. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute, la différence entre les femmes, les mamans et les papas quant à la façon de mettre l'enfant au monde ou l'enfant dans le monde. Voilà, nous verrons ce que signifient ces paroles pendant 2 heures, mais nous voulons vraiment avoir votre avis sur la question. Est-ce que ça vous a déjà posé problème? Messieurs ou mesdames, hein, vous interagissez selon que vous soyez maman, papa, en disant tout simplement qu'en effet, la maman n'est pas une copie conforme du papa, pareil pour le papa. Et c'est vrai que parfois parfois on est complémentaires quand ça nous arrange. Mais quand ça nous arrange pas en disant « Oh, tu fais bien, t'as fait différemment de moi, tu fais bien. » Mais quand ça nous arrange pas en disant « Mais quoi ? Pourquoi t'as fait différent de moi ?» C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on dit à l'enfant. Vous voulez citer Daniel Radou, Lacan, ce psychanalyste français qui disait « Le père est le tiers pénétrant ». Oui. Il a également dit « Le père, c'est le bourreau de la mère ». Ah oui, il a dit ça. Ah oui. Non, c'est un peu dur, mais... Pardon. Oui, ce qui veut dire par là, en fait, c'est que puisque la mère a donné l'enfant, et en fait, au départ, l'enfant était relié en fait, par le condom, au cordon ombilical, eh bien, il y a un lien qui se crée entre... Et puis, elle le met au monde, donc il a grandi dans son ventre, etc. Donc, il y a tout un passé, en fait, qui est là quand l'enfant est né. Eh bien, il y a ce lien qui continue, en fait, à rester et qui peut continuer à rester même quand l'enfant grandit et même devient adulte, etc. Parfois, on dit d'une personne, il n'a pas coupé le cordon ombilical, ouais, en fait, avec sa mère. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant maintenant, c'est lors de la naissance, eh bien, en tout cas dans un certain nombre de cas, on demande au père de couper en fait le cordon ombilical. Alors bien entendu, on est dans la symbolique à ce niveau-là, mais c'est vraiment ce que dit Lacan en fait, c'est-à-dire que moi, en tant que père, pour que l'enfant puisse se développer, eh bien, il doit se séparer en fait de la mère. Et donc, c'est ça la symbolique de couper le cordon ombilical. C'est moi, je prends ma responsabilité de père et je me mets en fait entre la mère et l'enfant pour justement couper ce lien de manière telle à ce que l'enfant puisse se développer. Parce que si ce lien affectif continue à se maintenir en fait entre la mère et l'enfant, eh bien ça va bloquer en fait l'enfant et l'adulte bien entendu dans ce lien particulier qu'il a à sa mère. Donc si on veut que l'enfant se développe pour devenir un adulte responsable qui prend des décisions, qui assume les choix des conséquences, qui assume les conséquences de ses choix, eh bien le rôle du père c'est justement de se mettre, je dirais presque physiquement, entre la mère d'un côté et l'enfant de l'autre, pour bien montrer, tiens, ici, moi, je me mets entre toi et l'enfant pour que l'enfant se sépare, en fait, de ce lien affectif de la mère et puisse continuer à se développer. Et lorsqu'il aura, on va dire, 25 ans, qu'il quittera le nid familial, si ce n'est pas un tanguy ou une tanguinette, eh bien, il va rentrer dans son cycle d'autonomie. Et puis ensuite, la vie va continuer, fort probablement, il va se marier ou il fera les enfants, etc., etc. Et donc, le rôle des parents aussi démarre à un moment, c'est-à-dire à l'acte fécondant, okay, mais il se termine. Et souvent, en fait, là, les mères ont quelques difficultés en disant « Mais non, mon rôle n'est jamais terminé, c'est jusqu'à la fin de ma vie. » Eh bien non. Là, je suis un peu strict, en fait. Et je dis « Mais non, votre rôle s'arrête lorsque l'enfant, c'est-à-dire le jeune adulte, on va dire, eh bien, quitte le nid familial. À ce moment-là, votre rôle s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres rôles qui apparaissent comme le rôle des grands-parents, etc. Mais le rôle de parent, il y a un début et il y a une fin. D'accord. Et c'est très bien qu'il y ait une fin pour permettre justement à l'enfant de s'épanouir, de devenir adulte et d'être lui-même et de pouvoir s'épanouir, en fait. Patrice nous écrit. Oh que oui, Sylvie, déjà entendu ça. Et résultat, les enfants savent comment en jouer, justement, de ces différences et en profiter, surtout quand ils assistent aux discussions entre parents. On y reviendra dans quelques instants. Et puis, une question qui revient dans les SMS et qui revient dans les messages Facebook que je lis aussi. Sylvie, votre propos du jour rejoint mes convictions. Je suis mariée et mère de 3 fils. Que penser des enfants vivant dans un foyer unisexe? Donc, on en parlera dans quelques instants, bien entendu. On fait peut-être référence au référent masculin à ce niveau-là. Donc, on en parlera, ça c'est sûr, on en parlera pour que tout le monde, évidemment, puisse prendre part à la conversation d'aujourd'hui. 070 23 33 23. SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir sur ces nuances importantes, l'enfant, la maman met l'enfant au monde, le papa met l'enfant dans le monde. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Bienvenue. Time. Madonna avec Hung Up sur Vivacité. Les mamans mettent l'enfant au monde, les papas mettent l'enfant dans le monde. Nuance importante, on en parle aujourd'hui. Avec vous, Daniel Radou, vous êtes psychothérapeute, mais aussi biologiste du comportement. Et dans quelques instants, vous allez nous parler de l'étude des peuplades dites primitives, qui est riche d'enseignements pour nous aider à prendre conscience comment aider un enfant à devenir un adulte responsable, capable de prendre des décisions et d'assumer les conséquences de ses actes. Moi, j'aime bien les études des peuplades dites primitives. Donc voilà, je serai tout ouïe d'ici quelques instants. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez prendre la parole. Est-ce que, messieurs, vous avez dû déjà revendiquer ce droit en disant « Je ne suis pas comme toi, toi, maman, moi je suis papa. J'agis différemment pour le bien de notre enfant. » 30 63 pour vos messages, 50 centimes par message. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture ? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Dragon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Dragon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. Dis, ouais. Le salon de l'alimentation, tu connais, hein? Oh, bah ouais, j'ai mangé du homard, mais bon, hein, et pas cher. Et un couscous, mon ami. Et les meilleures frites du monde aussi, hein? Tous ces pays qui présentent tous ces ustensiles. Ça, j'adore. Un marché couvert, mais en mieux. Et pour le doublon, tu peux tester plus que 250 bières. 250, oui. Ça, c'est beaucoup pour moi, hein. Ouais, mais tu rentres en métro, hein? Ah, ouais. Oui. Dis, le salon de l'alimentation. Ouais. Même si tu passes beaucoup de temps, c'est tellement bon que tu trouveras jamais salon. Le salon de l'alimentation à Bruxelles Expo du 15 au 23 octobre. Avec Sud Presse. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. La vie du bon côté sur Vivacité. Daniel Radou, biologiste du comportement, psychothérapeute, pour nous parler de ce sujet. Les mères, parfois, ne comprennent pas certains comportements des pères avec les enfants. Les mères qui revendiquent le fait de devoir faire comme moi. Voilà, je suis la maman, je comprends mieux mon enfant que personne puisque je l'ai porté pendant 9 mois. Ça vous coupe, hein. C'est pas bien de dire ça. Non, c'est pas bien de dire ça. Donc justement, on va s'en tenir à cette étude des peuplades dites primitives, riches d'enseignements, dites-vous, pour nous aider à prendre conscience justement de la différence. Comment aider un enfant à devenir un adulte responsable, Daniel ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'aller observer une peuplade primitive, donc on appelle les Maasai. Donc c'est au Kenya et en Tanzanie. Alors c'est intéressant de voir comment cette peuplade primitive donc élève leurs enfants. Et je dirais qu'il y a deux étapes. Première étape, c'est quand l'enfant est, quand il vient de naître, qu'il est jeune, eh bien, il est dans le village. C'est-à-dire que les peuples Maasai ont en fait un village entouré d'une palissade. Pourquoi ? Parce que l'environnement extérieur est assez dangereux. Il y a entre autres les vieux lions là qui ont tendance à de temps en temps choper un être humain en fait parce qu'ils ont des difficultés à chasser. Donc ils se protègent et à l'intérieur du village. Non, eh bien, il y a toutes les mères et les mères de substitution, d'ailleurs, parce que les enfants courent partout, etc. Et c'est les mères qui s'occupent, en fait, des enfants, on va dire, dans le bas âge, jusqu'au début de 12, 13, 14, 15 ans. Et à un certain moment, eh bien, les pères vont commencer à intervenir et vont organiser le rite de passage. Mmh. Et le rite de passage est très intéressant parce que quand on observe les différents types de rites de passage, eh bien, on voit que l'enfant ou le jeune adolescent doit se confronter, en fait, à sa propre peur et à sa douleur. Parce que l'épreuve est quand même, c'est une épreuve, donc elle est quand même assez difficile. Et souvent, il y a de la douleur quand il doit faire un certain nombre de choses, etc. Et donc, là, le jeune adolescent doit se confronter à la douleur qu'il va recevoir, qu'il va percevoir en faisant le test et à sa peur. De passer le test. Alors, les pères, c'est eux qui organisent les tests donc initiatiques. Et le test est fait de manière telle à ce qu'en principe, la très grande majorité, en fait, de ces jeunes adolescents sont capables de passer le test. Mmh. Et si par hasard, il y en a un qui ne passe pas le test, eh bien, on lui dit, OK, eh bien, tu attendras l'année prochaine et tu passeras le test. Et en principe, l'année prochaine, ils passent le test. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour eux, en fait, parce qu'avant ça, ils sont considérés comme des enfants. Et quand ils ont réussi le test, eh bien, à ce moment-là, ils sont considérés comme des adultes. Mmh. Et ils vont aller avec les pères. C'est-à-dire que le père et tous avec les hommes, père. Avec leur père, oui, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans la savane africaine, c'est-à-dire dans l'environnement dangereux, oui. Et ce sont les pères qui vont enseigner à l'enfant, enfin au jeune adulte dans ce cas-là, eh bien, à savoir comment il doit se comporter, comment il doit chasser, comment il doit se protéger, enfin ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et donc il y a toute une éducation, c'est-à-dire un transfert de connaissances en fait qui se font. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un rite de passage, donc il y a une étape qui est très claire. C'est-à-dire que la mère, je dis, met l'enfant au monte. Donc, elle l'a porté à l'intérieur d'elle et puis, elle va s'occuper de la sécurité, mais dans le cadre du village, c'est-à-dire la sécurité rapprochée. Okay, elle va le nourrir, elle va le câliner, etc. Et puis, à partir du moment où le rite de passage est réussi, alors à ce moment-là, c'est le père qui va prendre l'enfant ou le jeune adulte ici et qui va le mettre dans le monde, c'est-à-dire dans l'environnement qui est hostile. On va considérer ça comme ça. Mm-hmm. D'ailleurs, l'inconscient, on considère, puisque lui a arrêté son évolution il y a plus d'un million d'années d'ici, donc il n'est pas du tout adapté au 10 octobre 2016. Il ne connaît pas les smartphones ou les hélicoptères ou les avions. Donc lui, il est toujours associé, donc arrêté à la savane africaine. Donc pour lui, sitôt qu'on sort du village, c'est-à-dire la maison, l'endroit de sécurité, puisque la maison représente en fait l'endroit de sécurité, à partir du moment où on sort de la maison, eh bien on est dans l'environnement hostile. Et c'est le rôle du père, là, de prendre l'enfant et d'aller faire des activités qui sont un peu plus dangereuses. Par exemple, moi j'habite à côté de Walibi, eh bien c'est une activité typique de prendre l'enfant et dire « Allez, on va aller à Walibi » et l'enfant, il va avoir peur, bien entendu, dans toutes ses attractions, en fonction de son âge, bien entendu, mais voilà, ça c'est une activité typiquement archétypale masculine. D'accord. Christiane, bonjour. Christiane, bienvenue. Bonjour. Que vous en pensez de ça, Christiane, ce rite de passage dans les peuplades primitives? Vous l'entendez bien? Oui. Oui. Oui. Oui. Vous avez assumé les deux rôles, Christiane. C'est-à-dire que mon fils a perdu son épouse quand ma petite-fille avait 5 semaines. Oui. Et il a joué, je dirais, papa-maman. Ah, c'est lui qui a assumé les deux rôles, d'accord. C'est lui, oui. Et je dirais qu'il a très bien réussi, parce que ma petite fille a maintenant 11 ans. Elle est comme une enfant tout à fait, je veux dire, normale. Mmh. On lui parle, bien entendu, de sa maman. Son père, donc, tout en jouant maman, a aussi joué papa, parce que il lui a certaines choses étaient interdites. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il jouait très gentil. D'ailleurs, moi, je disais toujours que entre eux, c'était fusionnel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle avait quand même que 6 semaines quand elle a perdu, 5 semaines quand elle a perdu sa maman, quoi. Maintenant, elle a 11 ans. Eh ben, c'est une adolescente qui est très, très bien dans sa peau. On lui parle de sa maman. Et moi, je dis toujours que je suis fière de mon fils, de voir ce qu'il a réussi avec sa petite fille. Et maintenant, elle vient d'avoir une petite sœur, ici, en juillet. Oui, oui. Et donc, on était un peu craintifs. On se demandait comment, vous savez, elle allait accepter. Eh bien, c'est très bien passé. Je vois qu'elle chouchoute sa petite sœur et compagnie, quoi. Voilà. Comme quoi, les papas savent parfois assumer les deux rôles, je dirais. Voilà. C'est intéressant, votre témoignage, Christiane. On y reviendra, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à cela. Merci. Merci, Christiane, d'avoir mis votre fils à l'honneur dans un contexte comme celui-là. Bien entendu, vous avez bien raison de le faire. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez vous aussi intervenir. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9, pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal.

Ride. C'est un duo américain derrière cette chanson diffusée à l'instant. Nous parlons des, pas des différences, j'aime pas, hein, mais peut-être des nuances entre les papas et les mamans, en sachant que la nuance la plus importante, c'est un peu le thème fil conducteur de l'émission, Daniel Radou, c'est de dire que les enfants, les mamans mettent l'enfant au monde, les papas mettent l'enfant dans le monde. Ça veut dire que nous avons chacun notre rôle, bien sûr, important à jouer. Alors, on vient d'avoir une petite discussion avec des personnes comme ça qui viennent nous rendre visite en studio, hein. Olivier nous a dit que les mamans assuraient les tâches de l'ombre. Je l'ai noté. Vous avez dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et puis Catherine, elle vient nous dire, les mamans gendarmes et les papas, c'est plus demande à maman. Bon, voilà, chacun a son avis sur la question. Par rapport au témoignage de Christiane qu'on vient d'entendre, Christiane donc nous parlait de son fils qui avait perdu sa femme quand sa fille avait 5 semaines. Et donc, depuis toute petite, depuis le début, son fils assume les deux rôles. Elle voulait lui rendre hommage en disant, je pense qu'il en a fait aujourd'hui une pré-ado, on va dire, puisqu'elle a 11 ans aujourd'hui, très équilibrée, très épanouie. Il a dû toujours assumer les deux rôles. Certaines choses ont été interdites, donc il avait la souplesse et puis il avait l'autorité pour certaines choses. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, quand la même personne doit assumer les deux rôles? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, ici, on se trouve dans une situation un peu plus compliquée. Et de fait, je dirais que c'est un peu comme Janus, donc il y avait deux visages. C'est-à-dire que dans certaines situations, il a pris l'archétype paternel et il a mis de l'autorité. Parce que l'archétype paternel, on pourrait le comparer au juge, en fait. La fonction juge, eh bien, c'est l'archétype paternel. C'est-à-dire que c'est celui qui met les règles, les lois, les limites, la sécurité, mais plus lointaine. On verra que la mère a un autre rôle en termes de sécurité. Et bien entendu, dans certaines situations, eh bien, il a dû mettre ça. Donc, comme c'était un homme, ben, il a joué son rôle de père. Mmh. Mais comme il n'y avait pas la mère, disons, dans ce cas-ci, elle était absente pour certaines raisons, donc, eh bien, il a joué également ce rôle maternel où là, il a plus donné, en fait, nurturing, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'il a nourri, en fait, l'enfant de son affection, de ses câlins, etc. Ça ne veut pas dire que le père n'en donne pas non plus, hein, mais je veux dire, c'est plus la fonction de la mère, en fait, dès là, d'assister l'enfant. Et dans ces cas-là, ben dans cette situation-ci, donc, eh bien, il a joué en fait les deux rôles, ce qui est quand même extrêmement positif. Et si c'était une mère, ben qui est dans la même situation, une séparation ou autre, eh bien, elle doit jouer en fait les deux rôles. Mais il faut bien qu'elle, dans sa tête, qu'elle sache quand elle est plus, on va dire, mère et plus quand elle est papa, si on peut dire. Oui. Il faut quand même bien séparer les deux pour ne pas qu'il y ait un mélange et qu'à la limite, on ne sait plus très bien. Voilà, il y a une fonction paternelle, fonction maternelle. Tout à fait. Et certains moments, par le comportement, eh bien, on est l'un ou l'autre et pas un mélange des deux, en fait. Samantha, bonjour. Bonjour. Que doit-on faire, dites-vous, Samantha, quand la mère ne laisse pas l'opportunité au papa de prendre son rôle de père? Oui. Voilà, donc la situation est que les enfants ne vont chez leur papa qu'un week-end sur deux. Donc disons que la maman a beaucoup d'emprise pendant tout le reste du temps sur les enfants. Et quand le papa essaye de faire les démarches qu'il faut pour justement prendre son rôle de père, disons que la maman arrive toujours à mettre un halte là à tout ça. Et donc continue toujours pas à avoir plus les enfants pour essayer que le papa leur donne ce qu'il veut leur donner et doit leur donner pour évoluer comme il faut. Donc voilà, le quand problème est là. La distance est là, oui, Samantha, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Quand la distance est là, la distance physique. Tout à fait. Donc ici, ce sont les enfants, en fait, c'est parce que la mère ne se rend pas compte, hein, mais en fait, c'est les enfants qui vont payer parce que elle ne donne pas assez de liberté. Bon, là, sûrement ses propres raisons, mais c'est des pièges à cons, en fait. Mais voilà. Essayer donc que ça c'est... se passe le mieux possible. Ah oui, ça c'est très important dans les couples qui se séparent, en fait, de trouver un accord, de négocier pour que chacun puisse jouer son rôle, en fait. Bon, c'est les gardes partagées ou les gardes le week-end, enfin bon, suivant les systèmes qui sont pris, mais que chacun puisse jouer son rôle pour justement que l'enfant s'épanouisse. Il est déjà dans une situation qui n'est pas évidente puisque le nid familial, bon, ici a explosé, donc il est parti, il est en deux parties. Alors souvent, de part et d'autre, ben, il y a un compagnon ou une nouvelle compagne qui arrive. Donc les situations commencent à devenir un peu complexes. Mais si en plus, il y en a un des deux qui met des bâtons dans les roues de l'autre, alors là, il est clair que ben, c'est les enfants qui

comme rempli d'espoir. Ce matin je renais, emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Avec Emmène-moi. Beaucoup de témoignages que je vous lis hors antenne. On va essayer de joindre évidemment la plupart d'entre vous pour parler de cette place de chacun dans l'éducation au niveau de l'instinct paternel et maternel, bien sûr, qui n'est pas inné chez toute personne. Certaines caractéristiques dominent chez l'homme et la femme. Et donc, vous venez nous parler d'exemples très concrets qui se vivent à la maison. Venez de me dire quelque chose qui me heurte, Daniel Hindou. Enfin bon, je sais que vous allez argumenter, donc voilà, je suis très ouverte. Venez de me dire, Sylvie, j'aimerais vraiment dire sur antenne qu'une mère parfaite est une mère toxique. Oui. D'abord, il n'y a pas de mère parfaite, donc... Je suis un peu provocateur. Non, mais il n'y a pas de mère parfaite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'entends régulièrement, donc en consultation, la notion de bonne mère. C'est-à-dire, c'est la mère qui essaye de faire tout pour ses enfants, etc., quitte à se sacrifier. En fait, je dirais presque, bon, j'exagère un peu. Mais il y en a certaines, elles vraiment se sacrifient, en fait, pour les enfants. Elles sont vraiment au service des enfants, etc. Et donc, je dis cette phrase qui est un peu choquante, bien entendu. Mais c'est l'objectif, bon, on est dans ce qu'on appelle les thérapies provocatives ici, mais c'est de provoquer un choc, en fait, pour faire réfléchir en disant qu'une mère parfaite est une mère toxique. Le monde dans lequel on vit n'est pas parfait, il est même loin d'être parfait. N'essayez pas d'élever vos enfants dans un monde qui est parfait, et surtout ne soyez pas parfaite. Vous avez des imperfections et votre enfant, on les voit très très vite, d'ailleurs. Elle les a vite repérées, hein. Oui, ils d'ailleurs, de temps en temps, il en profite. Mais ça, bon, sûr. Voilà, c'est comme ça. Et c'est justement d'assumer ce rôle dans cette imperfection. Eh bien, malgré que je sois imparfaite, eh bien, je peux faire du mieux que je peux. Et à chaque instant, vous prenez la meilleure décision que vous avez prise, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution. Hein, on a fait une émission sur on ne fait jamais des erreurs, hein, on fait des expériences. Ouais, en fait. Eh bien, c'est en rapport avec ça. Donc je dis ça pour les mères qui veulent absolument et qui se tracassent parce que est-ce que je fais bien de faire ceci et faire ça. Alors elles me posent la question et moi je leur dis mais écoutez, arrêtez d'essayer d'être parfaite, hein. Soyez parfaite, et ben c'est très bien. Soyez, et vous allez voir que votre enfant, eh bien, il va très bien comprendre que dans le monde dans lequel on vit, eh ben il était parfait, ben c'est comme ça. Du moment qu'on assume son imperfection, voilà, hein, qu'on exactement. Est en équilibre avec son imperfection, c'est ça le principal. Dernier message qui vient nous arriver, il y a des foyer Sylvie où c'est le père qui n'a aucune envie de prendre son rôle de papa parce que ça ne l'intéresse pas avec l'excuse que maman fait du bon boulot. Toi tu assumes et tu fais ça très bien. Donc on va y revenir parce que ça 070 23 33 23 SMS 3063 juste après le flash de 14h. Vous aimez les Volkswagen? Nous chez Percy Motors, on les adore. Percy Motors. Le service d'abord à Wavre. Ce lundi, les Diables Rouges sont déjà de retour sur le terrain de la Coupe du Monde 2018. Une soirée complètement foot, à vivre en direct sur Vivacité. Dès 20h, David Oudret, Pascal Chimé et Alex Teclac vous donnent la parole. Et à 21h45, vivez Gibraltar-Belgique, troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018, en direct de Faro, au Portugal, avec Thierry Luthers et Manuel Jousse. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Excellent d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est David Driffon qui nous informe. Bonjour David. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Une alerte à la bombe au palais de justice de Bruxelles. Les bâtiments Portalis et Montesquieu ont été évacués. Il y avait déjà eu une alerte semblable la semaine dernière. Le tunnel Stéphanie qui passe devant le bâtiment, le palais de justice, est fermé dans les deux sens. On y revient à la fin de ces informations. Le budget fédéral est bouclé, si l'on en croit le vice-premier ministre Didier Reynders. À son arrivée au Lambermont, la résidence du premier ministre, ce matin vers 11h, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement avait trouvé les 4 milliards qu'il manque. D'autres membres du gouvernement se montrent par contre plus mesurés, à l'image de Chris Peters. Pour le ministre de l'Emploi, il faut encore avancer sur le chapitre emploi, mais aussi sur la fiscalité. Tout n'est donc pas terminé. Des réformes qui peuvent encore attendre un peu, selon Didier Reynders, qui n'empêcheront pas, en tout cas Charles Michel, le Premier ministre, de faire sa déclaration de politique générale demain à la Chambre. Premier conseil d'entreprise aujourd'hui chez ING. Premier conseil d'entreprise depuis l'annonce il y a une semaine du plan de restructuration de la banque. Selon les syndicats, l'ambiance est très tendue avec la direction. Cette réunion fait partie de la première phase de la procédure Renault de licenciement collectif. Les syndicats ont obtenu de la direction que les discussions chez ING et chez Record Bank soient menées en parallèle. Les représentants des travailleurs ont aussi eu gain de cause pour que tous les travailleurs soient payés pour la journée de lundi dernier. C'était le jour de l'annonce de la réorganisation et une partie du personnel avait quitté le lieu de travail. Le conseil d'entreprise doit se terminer vers 17h30. Football, troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Ce soir, pour les Diables Rouges, les Belges sont à Faro, au Portugal, pour y affronter Gibraltar, 205e et dernier au classement FIFA. La seule crainte du sélectionneur Roberto Martinez, prendre les choses trop à la légère, se relâcher. Coup d'envoi 20h45, un record de buts pourrait être battu. À ce propos, la plus grosse victoire des Diables remonte à 2001, 10-1 contre Saint-Marin. Et la plus grosse en déplacement, c'est un 0-6 au Luxembourg, c'était en 1986. La météo, ciel nuageux cet après-midi avec quelques averses possibles. Ça et là, vous pourriez même entendre un coup de tonnerre. Maxima 9 à 14 degrés, plus sec au fil des heures. Il pourrait geler par endroits la nuit prochaine. Demain et les prochains jours, temps généralement sec et ensoleillé, mais frais en matinée. Un point RTBF Mobile Info, Pierre Collard-Bovy, cette alerte à la bombe à Bruxelles, elle engendre des soucis de circulation dans le centre de la capitale. Pour l'instant, on ne parle pas vraiment de soucis, mais en tout cas, la police maintient effectivement un périmètre de sécurité autour de la place Poulart, donc n'allez pas vous aventurer par là. Pour l'instant, ça risque de causer pas mal de problèmes si vous vous retrouvez coincé par là, évidemment. Alors, on parle toujours de l'accident sur le 403 Bruges-Tournai à hauteur de Roulers-Beveren. Les voies de gauche et droite sont neutralisées en direction de Tournai. Les déviations sont mises en place et puis vous ralentissez toujours sur le 17 Gand, Lille au poste frontière entre Requiem et Neuville-en-Ferrin. Donc c'est en France, vous perdez encore quelques minutes. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bel après-midi à l'écoute de Vivacité et de la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Merci David, l'info revient à 15h. Maintenant chez Easy Par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur easyparxl.be. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Daniel Radou, psychothérapeute, biologiste du comportement. Bon, en tant que biologiste du comportement, nous avons parlé tout à l'heure des peuplades primitives. Ça s'est fait avec ce rite de passage entre l'enfance et la grande enfance, ça veut dire le monde adulte. Alors, nous avons, je vous ai lu pas mal de messages évidemment de personnes qui souhaitaient intervenir. On a redit en effet que chacun avait sa place, son rôle dans l'éducation, bien sûr. Alors, vous voulez nous parler des deux piliers dont l'enfant a besoin. Vous m'avez encore dit quelque chose qui m'a heurté. Je peux, en tant que oui, femme. Oui, on ne dit pas ce qu'on veut quand même, hein, quand on est un homme. Vous m'avez dit, vous êtes fils d'agriculteur ou oui, oui, oui, oui. Moi, j'ai été. Je suis fils d'agriculteur, donc je connais assez bien ce qui se passe dans la ferme. Donc, et je dis aux jeunes mamans, donc, mais c'est très provocateur. Hein, donc, ça, c'est évident. Donc, tenez-vous bien, si vous m'écoutez. Je dis, mais vous savez, les bébés, c'est comme des veaux. Hein. On donne à boire et puis du lait et ils grandissent tout seuls. Bon, je regarde la tête des gens, les mères qui... Oh là ! Mais vous savez pourquoi et vous puis, le dites, je rajoute tout de suite, mais il y a une différence fondamentale entre les deux, bien entendu. C'est qu'ils ont besoin d'être aimés et ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ce sont deux piliers, en fait. C'est deux piliers de la personnalité. Quand l'enfant sent qu'il est aimé, qu'on lui fait des câlins, que ce soit de papa, que ce soit de maman, donc il y a un équilibre entre les deux, d'une part, et d'autre part, qu'il se sent en sécurité, eh bien, à ce moment-là, il est bien armé pour affronter les difficultés, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ces deux variables, donc être aimé et se sentir en sécurité, c'est deux variables séparées, bien entendu, mais en fait, chez le bébé, elles sont liées. Bon, on va pas rentrer dans le modèle archétypal de Carl Gustav Jung avec l'inconscient collectif, etc., mais disons, quand le bébé naît, pour l'inconscient, eh bien, il va chercher l'amour de papa et de maman, parce que il est incapable de remplir ses besoins lui-même et il lui faut absolument qu'un père et une mère remplissent ses besoins pour qu'il puisse se développer. Voilà, donc en quelques mots extrêmement rapides ici. Mais donc le bébé, lui, a besoin en fait de se sentir aimé, parce que s'il ne se sent pas aimé, eh bien, il va se sentir en insécurité, parce que pour lui, dans son inconscient collectif, s'il n'est pas aimé, ben, ça veut dire qu'il est tout seul dans la savane africaine et 24 heures après, il est mort. Ça, c'est dans l'inconscient collectif. Et donc, il doit se sentir aimé. Et s'il se sent aimé, mais je vais prendre un exemple, que les parents mettent l'enfant au lit et lui donnent des câlins, racontent des petites histoires et tout ça, tout va très bien. Et puis l'enfant est au lit et puis ils vont dans le corridor et commencent à se disputer. Oui, mais l'enfant, le bébé là qui est en train de se développer, il comprend pas lui et donc il se met en insécurité parce qu'il entend d'agressivité, etc. Il se met en insécurité et il va penser qu'il n'est pas aimé. Donc on voit que c'est deux variables séparées, mais qui sont reliées l'une à l'autre, en fait. Et souvent, moi, quand j'ai des adultes, alors qu'ils viennent pour des problèmes, etc., de mal-être et autres, eh bien, il y a souvent ces deux piliers, en fait, qui ils se sont pas sentis aimés suffisamment, et ils ne se sont pas sentis en sécurité, parce que, bon, il y a eu des séparations ou autres problèmes, etc., dans la vie, quand ils étaient petits. Mais ça, c'est vraiment deux piliers qui sont fondamentaux, en fait. À partir du moment où l'enfant s'est bien senti aimé, l'amour, c'est vraiment le carburant en fait de l'enfant. Ça, c'est une phrase qu'ils peuvent répéter. Et de l'adulte aussi. Hein. bon, on va commencer par l'enfant. Oui, on parle d'enfant ici, mais c'est vraiment l'amour, c'est le carburant en fait de l'enfant pour qu'il puisse se développer et c'est associé à la sécurité. À partir du moment où ces deux piliers sont bien costauds, eh bien, il est prêt à affronter la vie avec tous les problèmes qu'il peut rencontrer, etc. Donc ça, c'est quelque chose c'est qui bien est nous fondamental. Rappeler. C'est bien nous rappeler le fondamental de la vie, Monique. C'est vrai, hein, ça fait du bien parfois de l'entendre, hein. Monique ? Allô ? Oui, Monique, ça fait du bien d'entendre Bonjour. Ça. Ça fait du bien d'entendre. Oui. Hein ? Bonjour. Vous dites... Parce que moi, quand mes enfants étaient petits, j'ai dit ça et j'avais toute la famille ado, parce que j'ai dit ça à mes enfants, je vais la dire à votre papa. Voilà. Quand vos enfants étaient petits, vous disiez je vais le dire à papa, c'est ça quand oui, parce votre que enfant faisait de travers eux, oui. Parce qu'il allait toujours travailler. Oui. Et oui. J'ai arrêté ça parce que quand il rentrait, que je disais ça à lui, il me disait, il me disait rien, il mettait sur ses genoux et mettait mes pieds. Alors j'ai arrêté de dire ça. Et puis un jour, il est parti, je lui dis. Jouer les deux rôles du papa et de la maman. Et ça m'a donné un peu d'autorité. Mais vous faites bien de le dire, parce que c'est vrai que c'est peut-être une phrase du passé, on va dire. J'aime bien ce que Monique dit, parce que je me replonge aussi dans mon passé aussi. Je pense que c'était quelque chose qu'on disait tellement naturellement. Oui, oui. La maman, ça, parce que le papa, la maman travaillait pas. On va dire du passé. C'est entre, pas bon du tout. Travaillait moins. Le papa travaillait plus avant. Oui, encore une fois. Tout avant. À fait. Et donc, c'est quand ton papa va rentrer, quand papa rentre, je lui dis ce que tu as fait. C'est souvent ce qu'on entendait. C'est souvent oui, ce qu'on entendait. Parce qu'alors à ce moment-là, on prend le père comme une autorité qui va frapper. C'est l'autorité. En fait, oui, tout c'est à l'autorité. Fait. Mais je veux dire, alors que le père, lui, il a fait sa journée, il est fatigué. Et puis quand il rentre, bon, il faut qu'il commence tendance à s'énerver, à se fâcher, à mettre des limites. En fait, il faut que la mère assume ses propres responsabilités, parce que ça sert à rien de commencer à punir un enfant 3, 4, 5 heures après qu'il a fait la bêtise. Mais non. C'est au moment où il fait la bêtise que là, eh bien, il faut le punir s'il a fait une bêtise. Oui, c'est ça. Et c'est le rôle de la mère, en fait, de mettre des limites et un cadre à ce moment-là. Parce que si on reporte chaque fois ça sur le père, ben ça veut dire que le père, il a une image, en fait, de quelqu'un qui est extrêmement dur, autoritaire, et qui met des limites et qui ne te laisse rien faire, etc. Bon, alors, à ce moment-là, ben c'est lui qui prend... qui n'a pas une belle image, en fait, de mais père. Elle le dit, hein, Monique, à un moment donné, elle a arrêté de le faire. Oui, oui, oui. Non, donc c'est très bien. Elle a pris conscience de ça aussi. Ouais, je trouve ça intéressant. Merci, Monique. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et si vous nous parliez aussi de comment ça se passe ou quelles sont un peu vos réflexions par rapport à ce sujet-là. Juste après Emmanuel Moir, que voici. À tout juste un an, premier pas posé. On marche un instant avant de tomber. Dans la cour d'école, on a beau jouer, on finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé, il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés, les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Tomber chaque fois aujourd'hui, après. Sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès. Des autres, on est tous suspects. C'est à qui la faute qui nous a poussés. On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber. C'est toucher du bois, parfois même prier. Et puis ça revient, ça envoie valser les fous et les rois, le pays entier. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Alors bien sûr, on s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi. Mais malgré tout, on recommence. D'abord un pas, ensuite un sens. Et puisqu'un jour on se relève, que tout combat finit en trêve, on peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort. Car nous sommes toujours debout, toujours debout. Oui, nous sommes. C'est à 29 ans que je suis tombé, un peu plus qu'avant le 28 janvier. Depuis c'est le vide que tu as laissé, la vie qui décide de me relever. Avec toujours debout. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir sur cette nuance importante. Les enfants, les mamans mettent l'enfant au monde, les papas mettent l'enfant dans le monde. La complémentarité des deux rôles, quand on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui assument les deux tout seuls, voilà. Et que vous êtes nombreux évidemment à nous parler de cela. J'ai envie d'entendre Claudia dans quelques instants qui va nous dire qu'il y a des foyers où c'est le père qui n'a aucune envie de prendre son rôle de papa parce que parce que la maman, l'excuse donnée, c'est que la maman fait du bon boulot. Est-ce que c'est la maman qui le pousse à dire ça? Est-ce que, vous voyez, je trouve que c'est... Voilà, et quand elle dit c'est une excuse, oui, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Donc voilà, Claudia, je trouve ça intéressant. Vous nous direz aussi dans quelques instants que l'éducation, c'est un dressage. C'est ça? Comme au cirque? Oui, oui, oui. Comme au cirque. On dresse les enfants. Ben oui, je en suis soi, de nouveau un peu provocateur. Non, non, mais je en suis soi, un peu provocateur, mais c'est intéressant faux. De voir ce qui est là derrière, bien entendu, et de voir le modèle de Winnicott que je vais expliquer d'accord. dans quelques instants. Daniel Radou, biologiste du comportement, psychothérapeute. Je vais mettre son site internet sur la page Facebook de l'émission, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez dit en introduisant le sujet, c'est parce qu'il y a des patients qui viennent vous voir, ou des patientes qui vivent un problème avec cela, et c'est grâce à ça, je veux dire, que vous m'avez insufflé ce thème à l'oreille. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Claudia s'exprime dans un instant, ne bougez pas. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue, 736 74 36. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Demain, dès 11h, sur Vivacité. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watio. Jusqu'au 10 novembre, à l'achat de 5 mètres carrés de revêtement de sol, le 6e est gratuit. Watio, chaussée de Namur à Nivelles, voire conditions en magasin. Grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 € et vous pouvez continuer à verser sur le compte VO35 8x0 37 37. Bonsoir. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Citroën, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais une nouvelle fourgonnette performante et fiable, mais j'en ai besoin tout de suite. Ah, certainement. Parce que je suis jardinier, vous voyez, je dois terminer un chantier de toute urgence. Ah, mais pas de problème. Alors, écoutez, je vous sème 50 mètres carrés de gazon. Monsieur. Et puis je viens pondre chaque semaine. Écoutez, c'est gentil, mais. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. La place de chacun dans l'éducation, la place de chacun évolue, mais le fond reste peut-être. Les mamans, les papas s'expriment. En ce lundi, Claudia, bonjour, bienvenue Claudia. Bonjour. Alors, oui, je suis très contente de pouvoir participer à votre émission, merci. Je vous en prie. Alors, mon commentaire. Bon, oui. Mon histoire, c'était que mon mari, il est routier international. Oui. Alors, il s'assomptait toute la semaine, parfois 2 semaines de la maison. Mm-hmm. Et quand lui rentre à la maison le week-end, je suis un peu rêveuse, je suis contente de m'imaginer qu'il va m'aider à prendre en charge les enfants. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il se met confortablement à me dire, bon, qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu fais du bon travail, regardez ces bons enfants. Alors, à la fin, il me laisse tomber, c'est moi qui dois s'occuper entièrement de tout. Et il est devenu un troisième enfant. Un troisième enfant, il est devenu un troisième enfant. Ah oui, il attend que je réfléchisse pour lui, c'est moi qui dois faire tout, parce que ça lui arrange très bien. Avec l'excuse de qu'il n'est pas là toute la semaine, que c'est moi qui dois s'en charger de tout. Je ne dis pas qu'il est méchant, seulement il est trop tranquille. Et voilà, c'est pour ça mon commentaire. Vous en riez, mais pas toujours. Ah oui, parfois ça me tape un peu mais dans bien les nerfs, mettez-vous à ma place. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, ouais. C'était un peu bête de sa part, parce que c'est les papas et les enfants sont tout à fait content de les retrouver la week-end après une semaine d'absence. Mm. Il trouve que j'ai fait de bon travail, alors il n'a pas assez cassé la tête pour m'aider. Il ne veut pas intervenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, Claudia? Vous me rappelez quelqu'un que je connais. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? On voit ici, et d'ailleurs, elle a apporté la réponse. En fait, c'est un grand enfant. Il n'est pas devenu adulte. Hein. Et donc, même s'il travaille et qu'il voyage, etc. Mais en fait, au fond de lui-même, il n'est pas adulte. En fait, et comme Madame le dit, c'est un troisième enfant maintenant que j'ai à la maison. En fait. Hein. Donc ici, derrière c'est ça l'excuse. Qui Bon, j'entends ce qu'elle dit. Derrière cette excuse d'avoir des femmes qui assument finalement, qui assument beaucoup trop, parfois. Qui assument beaucoup trop, donc il y a en effet, tu fais ça bien. Tu fais ça bien. Ça, je retire ma responsabilité. Ça roule, hein, alors, ça roule avec toi. Moi, je fais ce que j'ai envie. Ouais. Non, attends. Quand on devient parent, on prend ses responsabilités. Il y a une charge, en fait, bien entendu. C'est ce qu'on appelle l'éducation des enfants. On va y revenir, là. Mais il faut prendre ses responsabilités, sinon on ne fait pas des enfants. Hein. Ben oui. Maintenant, à partir du moment où on a fait des enfants, ben, il faut assumer, prendre ses responsabilités, assumer les conséquences, en fait. Et donc, les pères qui disent « Ah, mais toi, tu fais ça très bien. Oui, c'est bien. Moi, c'est je un peu ce que ancien je veux. Système aussi, vous ne trouvez pas? Oui, mais c'est un peu de la manipulation, en fait, là, oui, derrière. Mais c'est... Hein. Attendez. C'est un peu quand je dis c'est un peu ancien système, c'était un peu comme ça avant. Oui, ok. Okay on est bon, quand même. Oui, mais donc tout n'a pas évolué. Oui, c'est tout ça. N'a pas été modifié. Oui. Tout le sera sans doute un jour, mais ça va prendre du temps. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent ça, qui ont vécu ça. Oui, qui ont vécu ça peut-être dans le milieu familial et puis qui ne font que reproduire en fait quand c'est ils sont ça. Adultes. Donc quelque avec part, il ne faut pas non plus fait. Les blâmer. C'est ça que je veux dire. Hein. J'essaie de trouver. Voyez, bon, moi, je serais un peu plus fait. Dur, peut-être. Non, mais moi, je suis un peu plus souple. Pourtant, je vous assure, j'aurais des raisons d'être dur. Mais je suis un mais peu... J'essaie de comprendre. Oui, ok. Bon, on peut expliquer ça au niveau historique ou quoi. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on est en 2016. Hein, on n'est plus en 1850. Hein, donc, la société, elle a évolué, etc. Et d'ailleurs, l'éducation aussi des enfants a évolué. Parce que maintenant, on est avec des smartphones, des tablettes. On n'avait pas du tout ça il y a 50 ans. Hein, il y a même 15 ans. Hein. Oui. Ça a eu une influence, bien entendu, sur la manière et sur ce que les enfants font, etc. Leur manière, la connexion au monde maintenant, elle est incroyable, en fait. Hein. Mmh. Donc, voilà. Maintenant qu'il y ait des archétypes qui viennent du passé, etc. Mais enfin, ici, je pense qu'il faut quand même être un peu plus dur avec ce genre de personnes, en fait, et dire, écoutez, prenez, assumez votre responsabilité, et puis voilà. Quand on a le nez dans le guidon, c'est pas évident non plus. Hein. Oui, je comprends, peut-être qu'en écoutant l'émission, ça va faire réfléchir peut-être. Un certain nombre Claudia, de personnes. En tout cas, elle le dit, je trouve qu'elle le dit. Voilà, donc, mais bon, ici, je pense qu'il est déjà un peu tard. Mais ouais, les enfants mais sont... voilà, donc si les pères, d'ailleurs, il y a des pères qui font même plus que les mères maintenant, parce qu'il y a une inversion en fait, sûr, des rôles. Ah, c'est sûr, on ne dit pas que c'est toujours d'un côté oui, que ça oui, penche. Oui, hein. Voilà, donc je pense qu'ici, moi, je serais assez strict, en fait. Assez ferme. Oui, assez ferme. C'est bien, un homme qui le dit, c'est bien. Bon, Claudia, on a bien compris votre message et merci d'avoir témoigné, parce qu'il y a je pense beaucoup de personnes qui sont dans votre cas. 070 23 33 23, SMS 30 63. La différence fondamentale, et encore une fois, on ne charge pas les pères. Hein. On dit simplement que c'est un mode de fonctionnement qui existe encore aujourd'hui. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard he's good. Cosmic love gave you something gold. You want to love. Suddenly it's all real.

désormais la complémentarité du bon côté entre les hommes et les femmes, entre les papas et les mamans, entre leurs rôles qu'ils envisagent différemment et parfois qui se ressemblent sur certains aspects, mais qui sont en effet différents, mais complémentaires sur d'autres. Vous nous avez rappelé les piliers indispensables à l'enfant. L'éducation est, selon vous, un dressage. On dresse. Le mot dresser n'est pas péjoratif en soi, hein. Si ? Dressé. Oui, enfin, quand je le dis... Ça fait un peu animal, c'est ça, bestial? Oui, enfin, je le dis avec force, ce qui fait que, généralement, les gens sont un peu choqués. Mais alors, qu'est-ce qui est derrière, en fait, ça? C'est pour attirer l'attention sur un modèle qui a été développé par Winnicott, en fait, ce qu'on appelle le self et le non-self. C'est-à-dire que quand le bébé, il naît, je dirais, eh bien, il naît lui-même. C'est ce que Winnicott appelle le self, il est lui-même au plus profond de lui. Et puis, au fur et à mesure qu'en fait, il va être éduqué, entre guillemets, donc il va vivre avec ses parents, eh bien, il va commencer à s'adapter dans un certain nombre de situations. Eh bien, entre autres, l'éducation va faire en sorte que, eh bien, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire ça, etc. Et en fait, pour continuer à garder, à capter, à attirer l'amour de papa et de maman, eh bien, il va commencer à mettre, en fait, des comportements, des attitudes en place, mais qui ne correspondent pas tout à fait à lui-même. Mmh. Et c'est ce que appelle Winnicott dans son modèle, donc le non-self. Et souvent, en fait, on s'adapte aux parents, on s'adapte à la famille. Il y a aussi là-derrière ce qu'on appelle la loyauté familiale. Ah, bah oui. Ok, on est loyal à la famille, mais en fait, on n'est pas soi-même, en fait. Et c'est ça. Alors, bien entendu, il y a une partie en soi qui dit, mais non, il faut que tu sois toi-même. Et puis, il y a une autre partie qui dit, mais non, tu dois être correct avec ta mère, ton père, avec ta famille, avec tous les autres, etc. Mmh. Et ça crée, en fait, bien entendu, des pathologies ou des mal-être, on va dire, parce qu'il y a une différence entre le self et le non-self. On dit que l'éducation d'un enfant est réussie lorsque l'adulte, quand l'enfant est devenu adulte, qui peut dire à ses parents, eh bien, je vous envoie péter. Et moi, je pense différemment de vous. Oui. Donc, à partir du moment où l'adulte est capable de dire ça à ses parents, eh bien, je dirais que l'éducation, elle a réussi. Parce que l'individu, hein, l'enfant, est parvenu à s'individualiser, hein, c'est l'individualisation de Carl Gustav Jung, de manière telle à ce qu'il a développé son self, c'est-à-dire qu'il est lui-même, et qu'il s'est débarrassé ou qu'il n'a pas développé le non-self. Et en psychothérapie, eh bien, c'est un des points qu'on travaille, donc en psychothérapie, c'est justement de révéler la personne à elle-même, en fait. Il y a des gens, ils ne savent pas qui ils sont, hein. Et il vient devant chez moi, il dit, bon, ok, ben, vous savez, on va commencer à travailler, et c'est la chose la plus importante, c'est d'abord de vous débarrasser de ce non-self pour vraiment arriver à être qui vous êtes au plus profond d'eux-mêmes. Donc, il y a les problèmes d'identité qui sont là derrière, il y a les problèmes de valorisation, de confiance en soi, etc. Enfin bon, je vais pas épiloguer ici, mais donc c'est ça. Donc, je répète, une éducation est réussie lorsque l'adulte est capable d'envoyer, on va dire, sur la rose, ses parents. Mes chers parents, je vole. je vole, ne m'en fouille pas, voilà, mais je vole. Voilà, exactement. Donc, très belle chanson qui veut dire beaucoup de choses. Et qu'en pensez-vous, chers auditeurs? 070 23 33 23, SMS 30 63. Juste le temps d'écouter Yannick Quinoa, Métis, et puis on en parle avec vous surtout. Je suis Métis, un mélange de couleurs. Oh, oh Métis, je viens d'ici d'ailleurs. J'ai pieds nus dans la ville, en sandales dans la jungle. Tu sais, le mélange est facile, il suffit d'être simple. Je suis une église, une rencontre insolite. Je suis fier d'être métis, j'ai la chance de choisir. Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, oh, oh métis, je viens d'ici d'ailleurs. Parfois je me perds au milieu des deux rives. Si j'ai besoin de repères, mes racines me guident. Un sentiment basique, un élan, une chance. Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes. Je suis l'enfant d'Adam et Ève, je suis un rêve comme Ismaël en Israël. Renie ta haine et fais sourire les anges. Mélange le Gange et la Tamise, métisse des Indes et du Brésil. On est métis comme Sade, Bob Marley. Tu peux te marrer ou bien te barrer, on peut en parler. Multicolore, anti-connard et tous mes colocataires caracoles en tête pour des idées d'un monde plus métissé. Un mélange de couleurs. Deux êtres différents qui se mélangent et ne font qu'un. Je suis métis. Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un. Je suis métis. Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un. Je suis métis. Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin. Métis sur Vivacité, on parle de ces différences dans l'éducation, cette complémentarité finalement de nuances aussi, puisqu'on a, on a commencé l'émission avec cette nuance, les mamans mettent l'enfant au monde, les papas dans le monde, en sachant qu'il y a une complémentarité. Walter, bonjour Walter. Bonjour Sylvie. Vous êtes bonjour. Veuf, votre femme voilà. Est décédée à l'accouchement, donc ça veut dire que vous avez assumé les deux rôles vous aussi tout seul, Walter. Voilà, oui. Exactement, jusque l'âge de 22 ans. Oui. À 22 ans, il s'est dit, je vais quand même, papa, je vais prendre, l'envol, quoi. Oui, oui. Alors j'ai dû jouer le rôle de deux pendant 22 ans, quoi. Quand vous entendez tout ce qui se dit dans l'émission, qu'est-ce que vous souhaitez dire, vous, Walter, par rapport à ça? Comment est-ce qu'on assume les deux rôles, dans votre cas? Comment est-ce que vous l'entendez? Quelles ont été vos failles, vos difficultés à assumer les deux rôles? Disons que ça n'a pas été facile parce que, des suites de l'accouchement, on vient me dire que ma femme est décédée, quoi. Mmh. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que souvent, on vous a dit, Walter, que vous n'allez pas vous en sortir, que vous ne sauriez pas assumer le rôle de la femme et le rôle... Non, le rôle de maman et le rôle de papa, non. Non, jamais. Alors moi, je me suis dit, il n'y a rien à faire, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai posé la question à personne, et puis voilà, je suis parti comme ça. Daniel, c'est un peu le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, hein, d'une maman qui souhaitait mettre son fils en évidence aussi, qui assumait les deux rôles. Oui, tout à fait. Donc ici, il a assumé, on n'a pas trop d'informations sur savoir comment il a fait exactement. Il a fait, on peut lui demander, hein, qu'est-ce que vous souhaitez lui demander, Daniel, par rapport à ça. Je veux dire, comment il a joué son rôle de père et son rôle... il était père, donc ça, oui, mais comment il a assumé son rôle de mère, entre guillemets, en fait, s'il peut nous répondre. Est-ce que vous faites la distinction entre les deux, Walter? Non, pas nécessairement, parce que moi, disons que... lui, il n'a pas connu sa maman, donc... je ne sais pas, moi, je ne comprends pas comment expliquer ma situation, quoi. Oui, je pense qu'il l'a fait naturellement. Exactement. Voilà, et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, on voit que même quand un enfant est dans une situation extrêmement difficile, donc ici, il n'a même pas connu sa mère parce qu'elle est morte, eh bien, en fait, qu'il est possible. On voit que les enfants ont cette capacité d'adaptation, en fait, qui est très, très grande, malgré des aléas de la vie, ils sont comme ça. Mais je répète, si, et je pense que dans son cas, il a donné donc de l'amour et de la sécurité, Eh bien, à partir de ces deux piliers, c'est comme un rocher en fait sur lequel l'enfant peut s'accrocher et il peut survivre et puis se développer, s'épanouir pour arriver en fait à un individu qui est à 22 ans décidé, ben voilà, maintenant je prends mon envol et puis je suppose qu'ils font une famille, etc. et il continue sa vie. Mais donc derrière ça, on pourrait dire c'est cette capacité que les enfants ont, que le système nerveux donc, eh bien, à s'adapter malgré tous les aléas de la vie, la perte de maman, enfin voilà, ici deux exemple, malgré ça, ils peuvent se développer et ensuite s'épanouir, fonder une famille et la vie continue, comme on dit. 070 23 33 23, SMS 30 63. Il y a des personnes aussi qui... je vois le message de Catherine. Catherine, elle nous dit comment papa peut trouver sa place et le bon rôle quand il a manqué des deux fameux piliers dont vous avez parlé tout à l'heure, donc l'amour et la sécurité, et qu'il souffre encore terriblement de son enfance. Sa mère est décédée malgré son absence. Il dit qu'elle lui pourrit toujours sa vie. Mère toxique, perverse, qui lui a toujours reproché d'être née et a toujours détruit chaque opportunité de joie. Et elle dit, je ne peux pas en parler sur antenne parce qu'on essaie de la joindre. Catherine, elle dit, je ne peux pas en parler tellement la situation est hypersensible en ce moment, j'en pleure face à sa souffrance et son désarroi. On en parlait tout à l'heure, hein. Je vous ai dit, c'est, en général ça vient de certains préjugés qu'on a par rapport à l'éducation d'avant, que certains ont reçu, mais vous voyez que c'est encore très blessant dans la vie de certains papas ou de certaines mamans d'aujourd'hui. Oui, mais moi j'ai très régulièrement en fait des personnes qui viennent et en fait on se rend compte que derrière la problématique, elles viennent pour un certain nombre de choses, mais en fait quand on va un peu plus loin qu'on va voir derrière, Freud disait ce qui est important c'est derrière la scène en fait. Donc je laisse parler le patient ou la patiente, etc. Et puis après je vais aller, je vais chercher à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé derrière, qui peut expliquer que bon la personne a tel mal-être, on va dire pour simplifier un peu ici. Eh bien très très souvent en fait on a ces deux piliers. C'est pour ça que je dis que ces deux piliers fondamentaux. Hein. Donc si comme on voit ce père qui a élevé tout seul son enfant, bon je pense qu'il a donné de l'amour et de la sécurité. Mais quand ce n'est pas donné, quand on a une mère toxique en fait, dans le cas que vous avez cité, là, c'est terrible. Et c'est pas parce que la mère, elle a disparu. On voit bien qu'ici, même si elle a disparu, en fait, elle est toujours aussi toxique. Hein, parce que dans sa tête, elle est toujours là, en fait, même si physiquement, elle n'est pas là. Et donc, tout le travail va être de libérer donc, ce monsieur et de lui apporter. Il y a des exercices, d'ailleurs, pour apporter de l'amour à son enfant intérieur. Parce que je travaille avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Parce que lui, c'est son enfant intérieur qui est à l'intérieur de lui, qui a souffert, en fait, de ce manque d'amour. Et c'est de ce manque de cette insécurité, donc, et qui fait que, ben, il y a un mal-être profond à l'intérieur de lui avec un certain nombre de comportements qui sont là derrière, etc. Mais au fond, ben, c'est ça, en fait, c'est son enfant intérieur. Qui est très mal en fait. Et donc tout le travail psychothérapeutique va être justement d'apporter de l'amour et de la sécurité à son enfant intérieur. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible, adulte, d'apporter de l'amour et de la sécurité à son enfant intérieur. Et que je ne suis pas obligé de rester avec ça, ce mal-être à l'intérieur de moi jusqu'à la fin de ma vie. En fait, non, il est possible d'aller nettoyer. C'est un travail quand même. C'est pas une baguette magique. Hein. Il faut quand même travailler un certain temps. Mais c'est possible. Il y a des exercices à faire pour apporter de l'amour et de la sécurité à son enfant intérieur. Donc, je mets votre site internet sur la page Facebook de l'émission en tant que psychothérapeute et biologiste du comportement, Daniel Radou. Vous êtes à Serroux-Mousty. Voilà, entre Louvain-la-Neuve et Otigny. Oui, c'est ça. Bien retenu. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Dans quelques instants, nous aurons notre séquence santé avec le docteur Géo. En télé sur la Une, à qui profitent les centres commerciaux ? On a appauvri le centre-ville, on a enrichi les centres commerciaux. Outre commerce sur Internet, le paradis des bonnes affaires. Il suffit de cliquer. Centres commerciaux, la folie des grandeurs et achats en ligne, arnaque ou bonnes affaires. Question à la Une, ce mercredi sur la Une. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi. En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous êtes plutôt compte perso ou compte commun ? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, enfin sauf la lessive. Hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves ? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein ? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be.

Peggy avec Soul sur Vivacité 070 23 33 23. SMS 30 63. Si vous souhaitez vous aussi intervenir, on a des personnes qui ne souhaitent pas témoigner parce que finalement ça fait rejaillir beaucoup de choses douloureuses, hein. Daniel, ça n'est pas aussi léger que ça ne semble l'être. Oui, non, il y a des choses qui sont extrêmement lourdes. C'est pour ça d'ailleurs qu'en première séance, généralement, je n'aborde pas ce genre de choses. Je laisse d'abord quelques séances et puis après, quand la personne est bien en confiance et que bon, ça commence à bouger, donc, puisque moi j'active l'inconscient, la méthodologie permet l'activation de l'inconscient de la personne. À partir du moment où elle commence à voir qu'il y a des choses qui bougent dans sa vie, alors on peut commencer à aller voir, mais qu'est-ce qui est derrière qui fait que l'inconscient a été choisir cette solution-là, qui peut paraître un peu bizarre, enfin, mal-être, maladie ou autre, etc. Et donc, il y a des charges émotionnelles qui sont très très lourdes, en fait, et qu'il faut approcher tout doucement. Je veux dire, il faut que la personne se sente respectée et qu'elle soit capable de passer à travers également ça. Donc, quand on soulève ce genre de choses, il faut être prudent, en fait. Hein. Donc, on y va tout doucement, mais il faut quand même y aller, puisque l'objectif, c'est bien entendu d'avancer dans le processus psychothérapeutique. Bon, dans quelques instants, un petit bilan de ce qui a été dit, de ce que vous avez encore à dire sur cette nuance importante. Les femmes mettent les enfants, les mamans mettent les enfants au monde, les papas dans le monde, nuance importante. Et je pense que vous avez bien compris le pourquoi de cette réflexion finalement qui vous est venue face à votre patientèle, hein, Daniel Radou, et des problèmes qui sont liés à cette différence-là qu'il est important d'assumer. Donc dans quelques instants, on refait un peu le bilan de tout ce qui a été dit en ajoutant quelques nuances encore importantes pour terminer l'émission. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar, Belgique. Ce lundi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, Hi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. En télé sur la Une. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar, Belgique. Ce lundi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. La vie du bon côté. Bon, Daniel Radou, on vient d'avoir le téléphone, le témoignage, le coup de téléphone à l'instant d'Éric, qui est un papa divorcé. Ses enfants avaient 6 ans et 13 ans. Il a la garde un week-end sur deux, donc c'est un week-end sur deux qu'il voit ses enfants et il dit pour lui c'est une mauvaise idée. Donc il souhaitait tout simplement dire que la situation idéale, entre guillemets, bien entendu, dans un cas de figure comme celui-là, c'est vraiment d'être le plus présent possible, d'assister à un rôle de garde partagée. En tout cas, dans la mesure du possible. Ouais. Parce qu'il avait l'impression, il a l'impression que la distance, en effet, change beaucoup la donne. Ah, ben, il est clair que quand on voit ses enfants que deux jours, je dirais tous les 15 jours, bon, l'impact. Maintenant, on dit c'est aussi la qualité qui est importante. Mais en fait, il y a quand même des activités. Et quand on les a pendant une semaine sur deux, il est clair qu'on peut faire plus de choses et qu'on est plus présent par rapport à l'enfant, bien entendu. Mais bon, voilà, quand c'est possible, oui, mieux. Ce ne sera pas le mot de la fin, hein, parce que sinon on va rester sur un constat difficile. Mais voilà, par rapport à ce qui était dit, est-ce que vous voulez ajouter, Daniel? Oui, ce que je voulais dire, en fait, par rapport au père, eh bien, je dirais que dans l'éducation, l'objectif du père, c'est d'être dépassé par ses enfants. Voilà, donc si les pères qui m'écoutent acceptent de dire, tiens, moi, je vais éduquer, entre guillemets, puisque vous avez un rôle de parent, et que vous acceptez que vos enfants vous dépassent à un certain moment, bon, quand ils ont un certain âge, bien entendu, eh bien là, vous avez bien joué votre rôle, en fait, de parent. Parce que souvent, j'observe que le père n'accepte pas, en fait, si les enfants commencent à dépasser au niveau intellectuel ou autre, au niveau financier d'ailleurs, etc. Donc il y a une sorte de compétition qui peut s'installer. Je ne dis pas que ça s'installe toujours, hein, mais je veux dire, dans certains cas, ça peut également se passer. Donc, c'est d'accepter que ces enfants nous dépassent et là, eh bien, vous avez bien fait votre rôle. Bon, donc par rapport à tout ça, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on a senti beaucoup de souffrance par rapport à des situations pas faciles. Donc voilà, la nuance a quand même été, je pense, comprise. Oui, je pense qu'on a détaillé, en fait, donné avec des exemples qui ont d'auditeurs, d'ailleurs. Oui, oui. Si vous voulez encore ajouter quelque chose, que normalement on avait une séquence santé, mais qui ne sera pas possible de diffuser, donc je vous en prie. Maintenant, je vais parler aux mères. Et la phrase, c'est « Un pull au vert est un vêtement que l'enfant porte quand la mère a froid. » Redites-moi la phrase. Oui, je vais répéter simplement. La définition d'un pull au vert est un vêtement que l'enfant porte quand la mère a froid. C'est-à-dire qu'on remarque souvent que les mères, en fait, surchargent l'enfant avec des vêtements et des gilets et autres, etc. Or, il faut savoir qu'un enfant est en développement, il y a une croissance phénoménale. Or, la moitié de l'énergie, d'un point de vue biochimique, donc, elle est relarguée sous forme de chaleur. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit, il a tout le temps chaud, en fait. Et mais la mère dit « Ah, mais j'ai peur qu'il ait froid, alors je vais lui mettre encore une couche. » Si vous aviez commencé par là l'émission, je pense qu'on aurait eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Oui. Mais voilà, donc c'est simplement pour attirer l'attention. Ça, c'est une grosse différence. Vous avez raison. D'une manière humoristique, hein, bien entendu. Non, mais c'est énorme, mais quoi, cette différence-là. C'est très souvent, les mères surchargent en fait l'enfant, et c'est comme ça, en fait, qu'il tombe malade. Et c'est très symbolique. Oui, c'est parce qu'en en fait, comme on dit, il faut une couche en moins par rapport à la mère, au niveau de l'enfant. C'est bien parce que vous finissez sur une note d'humour, un sujet qui finalement n'était pas si facile à gérer. Merci Daniel. Merci. Pour votre intervention aujourd'hui, si vous souhaitez réécouter l'émission, c'est possible. Si vous souhaitez avoir les références du site internet de Daniel Radou, c'est sur la page Facebook. Dans quelques instants, l'émission Les Retours s'installe. Regarde-tu là comme il est bien fait. Ah oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Bon après-midi à tous. Toujours pas mal d'averses du côté du littoral, avec même un coup de tonnerre possible. Ailleurs, le ciel reste changeant. Beaucoup de nuages sur le sud, éclaircies, passages nuageux. Et averses qui ont tendance un petit peu à devenir plus nombreuses dans le courant de l'après-midi, toutes régions confondues. On attend de 9 à 13 ou 14 degrés. Le vent restera faible à modéré de nord-est. Demain, après une nuit calme et froide, on retrouve un temps déjà plus sec. Le risque d'averses sera vraiment limité. On garde ce temps calme et sec pour la fin de la semaine, avec des températures qui restent constantes, comprises entre 9 et 13 degrés. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenant sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. S-C-I-D pour ses fenêtres. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID Portes et Fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. Vivacité et Ouf TV présentent le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. Vivacité La Une et Ouf TV présente le Festival International Nature Namur. Du 14 au 23 octobre, la nature est un spectacle. Venez partager les meilleurs films et photos nature de la planète à la Cinépolis et dans la Citadelle. Programme festivalnaturenamur.be avec la Wallonie, la ville et la province de Namur. Salut, c'est Divock Origi sur Vivacité, la radio diablement complice. Vivacité présente... Bonjour. Entrez. Ah, bienvenue. Venez. Je suis là. Qui c'est? Ces 15 et 16 octobre à Dizon, Verviers, Astiers et Colfontaine, partagez la passion de ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie. Découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. Info sur wallonie-bienvenue.be, une initiative de la Wallonie avec la Une, soirée cette dimanche. Et vous écoutez Vivacité, il est 15h. L'info avec David Riffon. Bonjour à tous. Une partie du palais de justice de Bruxelles est fermée cet après-midi en cause une alerte à la bombe. Le Portalis, qui abrite le parquet de Bruxelles, et le palais Montesquieu, bâtiment qui abrite lui les chambres civiles du tribunal de première instance. Ces deux parties ont été fermées sur ordre de la police. Tous deux sont situés rue des Quatre Bras, entre la place Louise et la place Poulart. La circulation des voitures, mais également des trams aux alentours de la place Poulart est interrompue. Le vieux palais qui abrite la cour d'appel, la cour d'assises, la cour de cassation et les chambres correctionnelles, le vieux palais n'est pas fermé. Le Belge aime partir en vacances en Belgique. C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle Voyage de la Direction Générale Statistique du Service Public Fédéral Économie. Les séjours plus courts d'une à trois nuits ont la cote, principalement des